Ouais, hey, MK Greg, la fille du banal, hey, les méchants sales. Papi, papi, papi chulo, à la M mouvement il fait roule kiki, hein, ouï ouï ouï, roule sa lento, roule sa apprécie avec toutes les allez nous les en place, Dali, Dali, Dali, la dit nous les en place. Alors, alors, devine c'est qui à l'appareil et mis à des égales délire en paix, faut pouffer la fête. Et s'il vous plaît, force le son, on verra les affaires, il fait mieux. Tony, t'en pas à tout ce bandit, il fait bloc la tête. En brûlant, chap, chap, bali, m'échappe pas. Vas-y, si ton coin il pète, ouais, paye de l'eau, fais pas ça. Ici, nous y'aime, fait la fête, bébé, de la bonne humeur, eh oui, non, c'est pas des hé hé. Allez, nous les en place. Dali, dali, dali, la dit nous les en place. Dali, dali, dali, coup pas tellement tendu, ça de fait la fête, apprécier sans stress, man, il ramène la solution, charger les munitions, si le train est bon, ma fin d'y remettre sa mode à l'eau. Yes papi, yes papi, yes papi, joli papi, yes papi, yes papi, yes papi, joli papi. Allez nous les en place, Dali, Dali, Dali, la dit nous les en place, Dali, Dali, Dali. Damn, can you dance?